a 100% francês, Express ET. Uma seleção de Ricardo de Matos. Sejam muito bem-vindos a mais um 100% francês, edição de verão. Hoje praticamente não se vão notar diferenças entre a hora do 100% francês e o resto da emissão geral, pelo menos ao nível do estilo musical, já que o programa é totalmente dedicado aos sons jazzísticos. Mais uma hora temática 100% francês, Express ET Jazzy. Venha daí. 100% francês, Express ET Jazzy. Liane Folie, Voler la nuit. 1993. Traverser des chemins interdits, voler. 100% francês, Express ET. Jazzy. Henri Salvador, Ailleurs. 2003. J'ai dû faire demi-tour. Longer la rivière sans retour. J'ai dû faire de mon mieux. Tu ne m'as jamais prise au sérieux. Pourtant jamais, au grand jamais, nul ne t'aimait comme moi, jamais. Je sais, j'ai fait la vie, la vraie, mais la vraie vie, à mon avis, est ailleurs où vivent les sirènes, ailleurs où le courant nous mène, ailleurs aux portes de l'Éden, ailleurs au paradis ou même ailleurs. Reprendre à zéro, longer les méduses en radeau, réécrire notre histoire, refaire le grand jeu des grands soirs. Pourtant jamais, au grand jamais, nul ne t'aimait comme moi. Jamais, je sais, j'ai fait la vie, la vraie, mais la vraie vie, à mon avis, est ailleurs où vivent les sirènes, ailleurs où le courant nous mène, ailleurs aux portes de l'été. Sendo francês, Express ET. Jazzy. Elisa Point, Tu Jazz, Tu Flan. 1997. Tu jazz, malgré le froid d'un dimanche qui s'ennuie. Tu vas où vont tes pas entre silence et pluie. Tu flânes dans un vieux manteau de courant d'air, de flaque d'eau. Perdu. On y entend des airs de plage, on y surprend d'autres visages. C'est peut-être ça la vraie vie, celle qu'on rêve et pas celle qu'on vit. Du jazz d'un sourire triste, loin des quarts de touristes. Du après-midi, tu flânes pas loin d'un hôtel où tu allais avec elle, avec la nostalgie, les croissants beurre au lit. Mmh. qu'on rêve et pas celle qu'on vit. 100% français, Express ET. Jazzy. Isabelle Antena, quand le jazz entre en lice. 1987. Sur un 48 pistes, en extase, en soliste. Quand le jazz entre en lice, moi je vais crescendo. Inutile que j'enregistre sur un 48 pistes, en extase, en soliste. Quand le jazz entre en lice, moi je vais crescendo. Je prends un billet pas en mort dans les enchaînements de corps. Je survole les harmoniques, même les silences m'invitent à rêver en cadence. La musique est complice quand le jazz entre en lice. Inutile que j'enregistre sur un 48 pistes, en extase, en soliste. Quand le jazz entre en lice, moi je vais crescendo. Inutile que j'enregistre sur un 48 pistes, en extase, en soliste. Quand le jazz entre en lice, moi je vais crescendo. C'est ma foi, bien égoïste, mais je n'écoute que le solo, que je le contrebassiste. Oui, c'est le tempo, exactement le tempo. Pour éclater en mille rythmes et faire vibrer en moi, sous un sommet de cuir, un swing brûlant à fleur de peau. J'enregistre sur un 48 pistes, en extase, en soliste. Quand le jazz entre en lice, moi je vais crescendo. Inutile que j'enregistre sur un 48 pistes, en extase, en soliste. Quand le jazz entre en lice, moi je vais crescendo. Chando. 100% francês, Express ET. Jazzy. Georges Moustaki e Paulo Morelambaum. Tom. 2005. Dans un rêve éveillé, C'était une chanson pour Élise et Jouan ou pour Nara Léon. Quand elle chantait la vie à la saison des pluies, quand le printemps revit, tant en mars les grandes eaux sur le Corcovado. Mon Dieu, que c'était beau. Tant les filles d'Ipanema venaient danser pour moi sur un air de bossa. J'ai tant de nostalgie quand je pense aujourd'hui à cette mélodie. Tant ils achètent aux cancers. J'étais rencontré un soir de février du côté de Broadway. Tant comme de vieux amis, on partageait les nuits, les moments de magie. Que tu as inspiré à d'autres exilés. Tant l'écho les portera depuis Ipanema jusque bien au-delà. Na esquina da Broadway e logo me encantei. Tom, Tom, Tom, Tom. % francês, Express ET. Jazzy. Nilda Fernandes, Il n'y a plus d'après. 1999. Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage. Viens me dire bonjour au coin de la rue du Four. Tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après demain, plus d'après-midi. Il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi. Il n'y a plus d'autrefois. Tu me dis comme tout change. Les rues te semblent étranges. Même les cafés crèmes n'ont plus le goût que tu aimes. C'est que tu es une autre.

100% francês, Express ET. Jazzy. Bleu sur trottoir, Suisse Nob. 1989. Centro francês, Express ET. Jazzy. Enzo Enzo, Les Yeux Ouverts. 1990. Si par erreur la vie nous sépare. pas, je le sortirai de mon tiroir. Je rêve les yeux ouverts, ça me fait du bien, ça ne va pas plus loin. Je veux pas voir derrière puisque j'en viens vivement demain. Mon bonheur te ressemble, tous les deux vous allez bien ensemble. Je te le dirai jamais, jamais assez, tout ce que tu fais me fait l'effet. Francês, Express ET. Jazzy. Morane, elle attend. 1986. 100% francês, Express-ET. Jazzy. Patricia Cass, Syracuse. 2002. Sendo francês, Express-ET. Jazzy. Lily Cube, Ilia. 2001. Il y a le type de l'été, il y a des jambes à enjamber. Il y a des morts sur les routes, il y a des bonnes quoi qui en coûtent. Il y a ceux qu'on licencie quand ils se la coulent aux Canaries. Il y a des vents dans les voiles, il y a des navets sur toutes les toiles. Il y a la joie de rentrer, il y a la grande vadrouille à la télé. Il y a tous ces arbres nus, des chrysanthèmes au coin de la rue. Il y a des gens qui s'en vont, il y a des vents dans les oraisons. Faut-il qu'on y pense ou non? Laissons les saisons pour ce qu'elles sont. Il y a la vie qui ne nous attend à pas. Il y a la grève du métro, les Pères Noël au bout du rouleau. Il y a la dinde à faire cuire, il y a la famille à se farcir. Il y a le SAMU social, la neige qui fond du blanc en glissade. Il y a les indigestions, il y a les bonnes résolutions. Il y a un parfum d'été, il y a le fond de l'air qui est frais. Il y a la douceur de vivre, il y a toujours un régime à suivre. Il y a le temps qui s'en va, par petits bouts, par morceaux, le choix. Faut-il qu'on y pense ou non? Laissons les saisons pour ce que sont. Francês, Express ET. Jazzy. Michel Jonas, La Boîte de Jazz. 1985. Un peu parti, un peu naze, je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gars me regardent énervés. L'orchestre s'installe des professionnels. Come on, boy. Et c'est moi qui s'interpelle. Hey, Gus, tu connais Charlie Mingus? Oh, par cœur, je connais par cœur. Hey, fils, le nom est Davis. Aussi, le camionnier, j'aime tous les succès de Duke Ellington. Tous les standards, Scarpe Person, Lionel Hampton, Scott Hamilton, Duke Ellington. Ok, ok. J'avance doucement et je rase les murs de la boîte de jazz pour arriver pétrifié jusqu'à la scène. Dans un coin, un orgue m'attire. Ça y est, je transpire. Timidité surhumaine. Et si c'était la chance de ma vie, je me lance, allez, tant pis. Scott Hamilton, Duke Ellington, Mary Jackson. Moi j'aime tous les succès de Duke Ellington, tous les snowman, Scott Peterson, Lionel Lampton, Scott Hamilton, Duke Ellington, Margaret Jackson, Sam Thompson, Mark Peterson, Scott Peterson, Duke. Un peu parti, un peu naze, je sors de la boîte de jazz, histoire de reprendre un peu le coup de ma vie. Mmh. 100% français, Express été. Jazzy. Zizi Jomer, Quand ça balance. 1995. Je me prends un pied géant, le reste je m'en fous. Je m'en balance, de tout. Lorsque la rythmique et la ligne mélodique ne forment qu'un tout. Moi les nuances, je m'en fous. Faut que ça bastonne sec et dans le silence des breaks, faut que ça me secoue. J'vois de la garance, la garance partout. Du rose bonbon, du blues dans tous les tons les plus doux. Prends la cadence, la cadence, c'est tout. La danse, elle s'en fout. Oh, l'endurance, l'endurance, c'est vous. Je vous jure, je vous fiche, bien mon billet qu'on finisse, vous serez sur les genoux. Dans l'existence, l'existence, y'a tout. Casse-pipi, casse-tête, mais rien ne vous un air un peu chouette qui vous rentre dans le chou. Quand ça balance, ça balance, ça balance, c'est fou. Quand ça rentre dedans, je me prends un pied géant. Le reste, je m'en fous. 100% français, Express été. Jazzy. Danny Bryan, Y a des filles qui m'intéressent. 1991. Le reste,